بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أسألك عن الكلمات التي أخذنا في المناظرة بين البحر والنهر في المشهد الأول، ما معنى المناظرة؟ نعم نعم انحدر يعني ايش قلنا في ال عندي كوا بارابور على On avait dit quoi par rapport à... au fleuve, le Nahr? On a dit descend. C'était pas le mot qu'on avait employé. Pas la tarjama qu'on avait employé. On avait dit akrob, s'écouler. Ah, Ali. عالي نعم جداول ثلوج متراكم انتسي هذا اسم فاعل جهد C'est l'imana machakka, chouya, la peine ou. C'est l'os de kelimat jihad ou jtihad. Al-jim, ou al-ha, ou dal. In sabba, yin sabbu, in sibab. Hein? Se déverser. اليم خصم étendu d'eau les flots là أجاج وهذا ملح أجاج في القرآن ما معنى C'est très salé ou pendant notre amère. Radaboun. Colère. Hiyajun. Se débattre. Yani kesh kulna nahnu. La mer se débat. Ouais, se déchaîner. Déchaîner. Riyah. Les vents. Da'ilun. طمس يطمس طمسا ها سي فاسي حبذا هذه سان تركيب سي فورمول حبذا حبذا سي واه سي جو بريفير سا يعني معناه احب المحبوب او شيء كذا منحدر on avait même déduit le sens vers la fin du texte نعم فسيح الوجود existence l'existence نعم عرض la largeur هوا يهوي يسقط كتبون يسقط سير نعم نعم تنبيه أولا أعطينا الصواب بالخطأ كان في درس السابق النوم واليقظة عند قوله ما أعظم النوم طيب عذب عذب بمعنى والعكس من أجاج كما ذكر الله تعالى في كتابه عن الماء الذي ليس من البحر de l'eau qui n'est pas de la mer c'est une eau qui douce elle est عذب donc là dans ما أعظم النوم c'est là le sens qui évolue et non pas عذاب mais العذاب comme le châtiment عذب chose qui est douce agréable bonne. D'accord. Donc t'en dirais par comme le sommeil est bon. Hein? Comme le sommeil est bon, agréable. Right? Non. طيب. فسنواصل في التمارينات ما وقفنا عند الرابع. هكذا. Ça, c'est le quatrième. On est pris les trois premiers. قال التدريب الرابع. استخدم الأسلوب لا إلا إذا في خمس جمل مشابهة للمثال الآتي. المثال أنت لا تتحرك إلا إذا اشتد الأمر. Toi, tu ne bouges pas. Sauf si la situation se complique, on va dire. Non. Yani, lakin, précise. On comprend que tu veux dire, mais précise, yani, la tussali bil jama'a. Juste bien le dicta fil l'aïbara, c'est tout. J'ai compris ce que tu voulais dire, tu vois, c'est vrai. Mais vise la jamaa, parce qu'on faut s'imaginer qu'on ne fait pas jamais salat s'il n'y a pas un imam. Des fois, on peut faire des nawafil, ainsi de suite. Pas comme, mais c'est où il est le ma'ana sahih. Hein? La tâche? Anta la ta'boudou? La ta'boudou. Quand tu ne dors pas, que tu as une preuve. Ouais. Ah. Paul. Anta. La taqoum, مثلاً بعبادة إلا إذا مثلاً جاء الدليل عليها. Tu n'entreprends pas une adoration, sauf si elle est bâtie sur une preuve. C'est mieux. Parce que là, comme tu dis, là, j'adore pas Allah, j'ai pas une preuve. Si, t'adores Allah. Tu vois ? Elle est bada am. Toi, tu parles d'une ibada en soi. Ouais. Quelqu'un va être là, il dit, j'ai pas de preuve, donc j'adore pas Allah. Tu sais, tu veux l'adorer. Mais c'est comment l'adorer maintenant, tu vois ? L'adoration en soi. Right ? Non. ثم أنت لا تشتري شيء إلا إذا حصل الحاجة حصل حاجة tu n'achètes rien si ce n'est lors d'un besoin ثم Mais attention, le lait là qui est dans la phrase, c'est pas le nahi. Bon, elle est comme ça. C'est pas le nahi. Celle-là, c'est le nafi. Attention. Ouais, en fait, là, c'est pas une interdiction. C'est une information là qu'il donne. Regarde, il écrit quoi? La tataharraku. Il n'a pas dit, la tataharrak avec une soukoun. Comme si c'était majdoum. Enfin, attention. La phrase là, c'est pas une interdiction. C'est un irbar. On te dit, t'as la forme d'une chose, toi tu n'achètes pas que s'il y a un besoin. C'est pas genre n'achète pas. Tu n'interdis pas d'acheter. T'informes. Genre toi je te connais toi. Tu t'achètes pas s'il n'y a pas de besoin. إلا إذا إيش؟ وجود كيف؟ سي سوفتير إذا كنت مضطرب لا تخرج من البيت إلا عند الحاجة إلا إذا عند الحاجة ألا يا إذا إلا إذا مثلا اضطررت إلى ذلك Ça, si tu es contraint. Min el fiel, it tirar. Et là, tu viens avec le. Allazi le sama fa'ilu. Ut turir ta. Aimt? Naam. لذا الا اذا تخرج من المدرسه tu joues pas que lorsque tu sors de l'école non كذلك تم ça là c'est pas une interdiction c'est une information الخامس تمام استخدم كل تركيب مما ياتي في ثلاث جمل كالنموذج ويلك لم يزل ايها حبذا وحبذا Donc, utilise ces formules dans trois phrases comme dans l'exemple. Falen, Yakul, Waylun Lak, Waylun Lilvan Limin, Inna Masirahum Nar, Wabi Isal Karar. Malheur aux injustes, car leur destination est le feu et quel mauvais refuge, on dira. Le Qarar, c'est le lieu où tu te trouves, tu vois. Si on ne trouve pas refuge, quel mauvais emplacement, quoi. Ouais. Thomas, là, l'amtazel. الأمطار تنزل بغزارة في فصل الشتاء. Donc les pluies ne cessent de tomber en abondance en hiver. C'était trois phrases chacun, non? Hein? J'avais compris que c'était trois phrases pour chaque exemple, non? Ouais, bah vas-y, تفضل. C'est ta phrase. Tu t'arrêtes comme ça. Ah? Tu t'arrêtes là. Tu vois pas qu'il y a un problème. Vas-y. Waylun les musallin. Ah, dis, parce que si tu t'arrêtes de malheur aux ceux qui font la salat, on va dire comment? Comment? Malheur aux ceux qui font la salat. La salat, c'est un wajib, c'est un rock arcan islam. Bel men taraka fat kat kafar. Toi tu dis Waylun là. Zid. J'ai mon bruit, il dit ça, c'est les gens qui qui jouent avec le Coran, qui font des fois au style de la lettre. Il dit, c'est comme quelqu'un justement qui ferait ça, ce que tu as fait là. Il prend le verset, il dit, malheur, c'est que la salat, l'Allah subhanahu wa ta'ala, quoi, le fiktabi, ouais, le musallin, après il s'arrête. Hein? Ah ouais, c'est Waylun Lak. Non. Waylun Lak. Waylun Lak. Non. طيب. لم يزل. Non, que l'abondement ne cesse du matin jusqu'au soir. Barda. Aïd, j'ai pas compris. Lam yazal wa la yazal muttasifan bi sifat al kamal. تعني الله نعم qui ne cesse qui n'a jamais cessé d'être décrit par les attributs de perfection نعم حتى دخل الجنة. حتى دخول الجنة. Que la peine ne cesse de durer jusqu'à, du moins que la peine dure jusqu'à l'entrée au paradis. أيها المسلمون أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أيها الناس اتقوا ربكم Idabaru. Tu dis quoi? Idabaru? Hein? C'est quoi le verbe? Tadabbur. Hein? Fatadabbaru. Ya'amillah la'alakum tahtadun. حباذا بلاد الاسلام بلاد اسلاميه حباذا مكه قصه نافعه حباذا قصه يوسف القاري مشرور حباذا قاري Ouais, ce truc-là, la habada, ça, tu vois, j'ai vu ce qu'ils disent, mais bon, je sais pas trop comment on l'utilise, tu vois. Donc, je pourrais pas te dire si c'est correct ou pas là. Le khay, inchallah. الظهير لأن استعمالك صحيح مش بتأكد. طيب السادس أجيب عند الآتي وصف النهر البحر بأنما هو ملح ما رأيك في هذا الوصف ولتعرف فوائد الملح اذكرها يعني que le fleuve a décrit la mer comme que son eau est salée. Donc que penses-tu de cette description? Et est-ce que tu connais des utilités au sel? Cite-les. Tu peux dire malih? Le salé, malih. Comment on l'appelle le fromage blanc qu'on mange là ici? Le djoub? Le malih. Ama mallah. C'est quoi mallah? Un marin. C'est un marin. Celui qui travaille sur les eaux. Tu peux l'appeler un mallah. Préserve la nourriture et qu'il donne bon goût. Ouais, refait sortir le goût, vous voulez. Il est cadavre, il code le moulin, parce qu'il est bien à juste mesure. Si tu en mets trop, tu. Yes, à dire que tu vas éclater de ta. Le plus mangeable. Taïb, fin yen. يقول يغضب الإنسان أحيانا فهل تفعل هذا لماذا وما رأيك في الإنسان الذي يرفع صوته ويغضب طيب كنت تظهر من colère que parmi la sagesse le fait de se mettre en colère il est légiféré. وما رأيك في الإنسان الذي يرفع صوته ويغضب؟ Que penses-tu d'une personne qui lève sa voix, qui s'énerve, qui se met en colère? Hein? Qu'est-ce que tu penses de lui? Hein? Si c'est là, quelque chose. Ouais, c'est canal. Ils est canal et Amrin Chal'i. ما في شيء ما في مانع كما قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقم لنفسه لكن كان ينتقم مزاء أهلكت حدود الله le prophète صلى الله عليه وسلم ne se vengeait pas ou se mettait pas en colère pour lui-même mais si les lois d'Allah étaient enfreintes والحديث عن أبي هريرة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصيني فقال لا تغضب فردده مرارا فقال لا تغضب. Un homme est venu demander, il a dit, ne te mets pas en colère. Là, c'est de la colère, tu vois, la colère qui peut te nuire. Quand tu es un coléreux, quelqu'un qui se met en colère vite, pour rien. Donc, on a déjà fait l'ahadith, que celui qui tient sa colère alors qu'il peut, alors qu'il est en mesure de se laisser aller, Allah subhanahu wa ta'ala le ressuscitera yawm al-qiyama, parmi les premiers, et le fera choisir des houlin ayn, celle qu'il veut. Donc, ça, c'est la colère qui peut te nuire. Ah mais des fois il faut se mettre en colère. Hatta an al-ghadab min sifatillah. La colère est parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un père peut se mettre en colère contre son enfant. Un mari contre sa femme. Ou l'inverse. Tu vois, ainsi de suite. Quelqu'un qui a autorité, c'est quelqu'un en dessous de lui. Des fois, il faut faire preuve de colère avec les gens. Mais pas dépasser les limites. Pas devenir respectueux ou insulté ou ce genre de choses. Mais la colère, c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis dans l'insan. Mais il faut qu'il la maîtrise. Mais des fois, il faut se mettre en colère. Même des fois, il y a des situations où quelqu'un se met pas en colère. Je sais pas, moi, quelqu'un il vient, je sais pas, moi, il regarde ta femme. Non, je ne mets pas en colère, tranquille. Attends, mais t'as... tu nous fais quoi là? Quand le Nabi, ça se met à t'as une arrière, t'as une jalousie. Pourquoi tu couvres ta femme alors? C'est pour qu'on la regarde. Tu vois? Ton enfant, il vole au magasin. Tu dis, c'est pas bien, recommence pas. Hein? C'est tout. C'est tout. À la base de voler, on le coupe la main. Toi, c'est tout. Tu dis juste ça à ton enfant, recommence pas gentiment. Avec douceur. Ben, mais il est en colère, mon frère. Ton enfant, tu veux que ça devienne à quoi? Un brigand après? Faut lui apprendre. Faut montrer que c'est grave ce qu'il a fait. Donc la colère, des fois, il faut l'utiliser. Comme je t'ai dit, fi hudud al-shara, dans les limites de la législation. Donc, t'as pas répondu à la question? Que penses-tu d'une personne qui se met en colère et qui lève sa voix? نعم طيب ثالثا لماذا قال النحل للبحر لا زلت بعافية وعشتك ناعمة راضية نعم ماذا يقصد البحر بالآتي ويلك ويل لك لا تعرف لنفسك قدرا ولا تدرك مما في الوجود سرا على بس أمرا يا بيكي نتاك شو طيب جايزي Il est où? Ouais, c'est Amran. Dans le texte, là, il écrit Sirran. Khay, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que la mère voulait dire par là? En disant malheur à toi, tu ne connais pas ta valeur et tu ne connais pas, on va dire, les secrets de l'existence, les choses qui touchent à l'existence. Hein? كيف ما فهمت استلاتي سي غراف ما في ما ينفع في الدنيا ولا في الاخره اني لا اراك ان تنفع في الدنيا ولا تنفع في الاخره ايوه لانه تنقص من شان البحر il a réduit du rang de la mer la mer a une importance primordiale sa présence est primordiale la mer. Quand tu envoies le globe terrestre, ils disent que 70% de du globe, c'est de l'eau. Et l'eau de la mer, principalement. Comme tu dis, si Allah subhanahu wa ta'ala l'habille comme ça, c'est qu'il y a une raison. Tu ne sers à rien en ce bas monde et dans l'au-delà. Bien qu'à la base, c'est un texte, on sait que c'est une fiction, tu vois, ça n'existe pas. Déjà, le fleuve, il ne parle pas. Il va encore moins parler avec la mer. Ça, c'est. Quand je dis que des genres de débats, bon, c'est pas vraiment. Mais c'est pour apprendre aux gens, tu vois, qu'ils sachent. Yani, Radel Nazar An Hada, sans avoir non plus à s'arrêter sur la mer et le fleuve, que les gens connaissent leur valeur quand ils vont parler à quelqu'un. Tu peux faire une nasiha, ce genre de choses, tu vois. Mais c'est pas, tu viens, tu dis n'importe quoi à n'importe qui. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un, c'est un ignorant, il vient dire, je sais pas moi, un savant ou quelqu'un qui a plus de science que lui, bien plus, tu vois. Sans tu connais rien et tout, et tout, et tout. Ça s'appelle quoi ça? Jahl. Jahl Murakkab. Tu t'imagines que tu connais ou tu connais pas? Celui-là, il est pire que le Jahl et le Basit. Parce que le Basit, lui, sait qu'il sait pas. Donc, il se tait. Tu dis quoi là-dessus? Allah, là, tu connais pas. Et l'autre, il vient. Ah, zakaza, wazakaza, wazakaza. Il parle. À la fin, bah, tu connais rien du tout. C'est pas du tout ce que tu dis. Si je connais, je te dis. Et ainsi, si je connais, je te dis. Donc, les gens, tu vois. Connaissent leur valeur, connaissent leur place. Ça fera beaucoup de rire. Ah non, celui qui ne connaît pas sa place, ça rit, il va faire fondre. Voilà. Il ne connaît pas sa valeur, il s'imagine qu'il est quelqu'un alors qu'il n'est rien. Là, c'est, voilà, quoi. C'est fatigant comme ça en général. Naam. Ensuite. Inna waqafna. Donc voilà, genre que le fleuve, là, ça permet de parler des choses qu'il ne connaît pas. Tu vois? طيب وما الخطا والصواب في حديث كل من النهر والبحر quelle est l'erreur est-ce qui est vrai Dans ce qu'on dit, le fleuve et la mer. Et quoi le kalem de la mer et le sawab? Là où je suis tout, là, Tamastouka. Bon, ce genre de choses, j'aurais voulu, je t'aurais éradiqué, je t'aurais fait disparaître. C'est vrai ça? Si j'aurais pu, ouais, si j'aurais pu. Là, il a pas dit j'aurais pu. Là où je suis tout, si je voulais. Ah ouais. Ça va ça? Ouais. Ah, ça va. طيب سادسا لماذا يبذل النهر جهدا وهو ينحدر من الأعلى إلى المصب. Pourquoi est-ce que le fleuve dépense des efforts et qu'il tombe, qu'il s'écoule de haut en bas? Ani de du haut des montagnes pour Lianna Sayrahu Tawil. C'est tout? Ce parcours est long. Le fleuve, معروف ان سيره كما ذكر في النص انه ياتي من في الغالب من ماء الامطار والثلوج وال البحيرات الارضيه c'est-à-dire les nappes phréatiques, ce genre de choses. ويعطي من الماء العذب غير الأجاج وينبت النبات التي على السواحل sur les ce qui les côtes enfin les côtes les flancs tu vois il fait pousser la végétation ce genre de choses il amène plein de phoroïdes et à la finale pour se jeter dans la mer. Pour finir par se jeter dans la mer, se verser dans la mer. السابع استخدم كل تركيب من التراكيب الآتية بجملة من إنشائك. Donc utilise toutes ces formules dans une phrase que tu souhaites, de ton imagination. عيون الماء. جمع من عيون. جمع الماء من عيون. أي ماء جمع الماء من عيون. Mais là, c'est pas correct. Il écrit Uyunul Ma'i. Tu l'as mis où le Ma'i? Tu l'as bu? T'avais quoi de l'eau? Il écrit Uyunul Ma'i. Qu'est-ce qu'on met là? Attends, Moudof, Moudof, il est. Il dit, utilise la formule, le tarkib, comment c'est assemblé. Il ne peut pas arriver, tu défais tout. Non, tu utilises comme il est. وجد النهر من هو ربصة بسيتي من ماء العيون mais bon ouais, la baisse. الثلوج متراكمة جمع الماء وتجمع الماء. Quand tu dis jamais al-ma, c'est que l'eau, elle rassemble, elle. Et tu dis jumi al-ma, l'eau, ou tajamma al-ma. Naam. Tu dis quoi? Maman, il dahara. C'est coulé. Fa, kif. Et kif, mata Pharaon. نصفة غرق في اليم مثلا غرق في العون في اليم خضم كي لاتي نوري دون الفلو غضبون وحياج attends attends qu'ils me font là attends c'est Adaboun ou c'est ah ils ont oublié le point ah ouais il me fait peur là j'ai encore un mot je vais pas faire attention en fait c'est pas le mot que je croyais c'est un autre allez voir Radaboun ou Wahiyaj ils aiment ça وهبت إذا سيبا وهبة وهبة سي هبة هبة يهب هبة يهب زي هبت الرياح إن الماء دائما في غضب وهي خامسا من مندحر إلى مندحر ومندحر إلى مندحر عفوا من منحدر إلى منحدر من منحدر دي فوا اون ليزون اون سطون لي لتر سي من منحدر منحدر إلى منحدر Une hache? Tu viens de faire l'erreur aussi, toi. T'as dit quoi? Répète. Hein? Allez, ouais. Ouais, des fois, peut-être on se trompe, peut-être on dit Mundahir, c'est Munhadar. Que l'eau descende de chute en chute. Milhoun, Milhoun ou Djaj. ماء البحر ملح دجاج simplement l'eau de la mer est salée et amère ضائل أو ضئيل الجسم Il faudrait plus l'attribuer à quelqu'un, à un être vivant. Quelqu'un dirait Akhi Sarir Da'ilu Jism. Petit frère, par exemple, Efrel Chatif. Maigre. طيب الثامن استعمل كل كلمات من كلمات آتية في جملة مفيدة. الرياح ما الرياح dans une phrase sensée. Tatakawa, le vent se renforce. Quand déjà c'est pas Takui, ça aurait été Tukui. Le fait de Kawa Yukawi, c'est renforcer les choses. Là, c'est le vent qui se renforce eux-mêmes. Donc Tatakawa. Al-Jadawil. يتدلى الماء من أعالي الجبال. Mais je sais pas, là, je dis, ça me l'a, il m'a rendu perplexe dans ce texte. Mais Inch'Allah. Fastihoun, vas-y, passe-le. Pardon. Que la mer est grand étendue, contrairement au fleuve. Insibab. Insibab. C'est le masdar de Insabba et Insabbu. Ce. Déversé. ينتهي السير للنهر بانسباب في البحر. Que le parcours du fleuve se termine par un déversement dans la mer. وبانسباب par son déversement à lui dans la mer. المنتشرة. Pas entendu. Ouais. Ah bes. Yahoui. Que l'eau tombe de cascade en cascade. Taïeb, tu vas le tasser. أم لا؟ الذي كون خمسة أمثلة من النص السابق. De faire cinq questions à partir du texte précédent. تفضل. D'où l'eau. C'est cool. Alors hein? Ah. طيب. طبعا. Vas-y. وبهذا القدر نكتفي. والحمد لله رب العالمين.